corps, quels visages viendront m'accompagner au fil de mes années, sans jamais rien changer, sans pourtant vouloir croire à mon éternité. Je n'aurai plus ces illusions qui faisaient de moi invincible. Je touche maintenant le sens de la peur des autres. Et je puise en eux la certitude que leur survivre serait bien trop facile. Les minutes sont dociles, elles m'obéissent quand j'ordonne l'absurde. Partir dans tous les sens, réduire les siècles en cendres, contourner le néant temporel pour ne détruire que les secondes réelles. Un œil qui pleure chaque année en rythmant l'heure prêtée. Je ne la donne pas, car elle m'est précieuse, très précieuse. Je regarde le monde par cet œil agissant sur l'étirement du temps, et son regard me sonde. Réduire les siècles en cendres, contourner le néant temporel pour ne détruire que les secondes réelles. Mon œil est mon seul miroir, car les glaces piègent l'instant. Parfois moi j'y entends l'agonie terrifiante d'un passé qui s'y est laissé, s'est laissé prendre. Secondes rêves.